Il y avait ce train, un numéro hasard, une place pour un glottin, l'arrêt à côté couloir. Un contrôleur assez joli, un billet pas à moitié prix, une fille assez banale qui ne l'a même pas pris. Mais quelle est cette connasse, connasse qui fabrique ce qu'elle a envie, qu'il n'est qu'une trace quand la peur passe et pousse sans un bruit. Il y avait une carte, numéro d'étage au hasard, à jouer dans un appart, une couleur assise au bar. Un petit mec assez joli, rasé et pas à moitié pris. Une nana assez bancale qui ne l'a même pas suivi. Mais quelle est cette pétasse qui invente qu'elle a envie, qui laisse un message quand le langage devient un sauveur poli. Excuse-moi, je suis désolée. C'est un trajet au hasard, je risque un embouteillage, au lieu du rêve un cauchemar. Un policier pas un génie, une amende pas à moitié prix, une jeune fille cannibale ratant le lit de l'orgie. Mais quelle est cette bonasse, ce prétexte bonasse. Un mec devrait faire la grimace au lieu d'être un cœur soi-disant interdit. Il y aura un jour un baiser au grand hasard, face à Pierre et sans détour, siffle ma fesse au poignard. Nous aurons plein de cambouis, des habillages chantilly, des aéropostales colloïdales de la nuit. Mais quelle est cette dédicace que je te fais là, wesh, chérie, dédicace. Crois pas que tu n'auras pas une grosse chagasse qui pense qu'à ton. Ouh ouh ah, ouh ouh ah, ouh ouh ah. Ah ouais, vas-y.